Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent, Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros étaient offerts sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 6 avril avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 6 avril 1199, nous sommes dans le Limousin, le jour de la mort du célèbre roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion. Autant dire que nous sommes au pied du château de Chalut-Chabrol. Alors que faisait-il là, Franck ? Ah ben il faisait la guerre. Comme toujours, Richard a passé sa vie à faire la guerre. On avait pensé ne jamais le revoir lorsqu'il participa à la troisième croisade aux côtés de Philippe Auguste, roi de France. Sur le chemin du retour, il a été fait prisonnier par l'empereur Henri VI, libéré après rançon. Il a retrouvé son trône à son retour en Angleterre au grand dam de son frère, Jean Santerre. C'est le méchant souverain de Robin des Bois, rappelez-vous, qui est une fiction, Robin des Bois, hein, quand même. Or, à peine rentré, Richard est reparti au combat contre les velléités territoriales du roi de France. Et c'est lors de cette campagne qu'il a trouvé la mort. Alors oui, il assiège le château du vicomte Adhémar V de Limoges, et lors de ce siège, donc le 26 mars 1199, du haut d'un rempart, Pierre Basile, qui est un chevalier de petite noblesse, est en train d'ajuster son arbalète. Aïe, aïe, aïe, le carreau, c'est comme ça qu'on appelle la flèche de l'arbalète, atteint Richard à la base du cou. Le roi serre les dents, agrippe le morceau de bois qui dépasse et le retire d'un coup sec. Seulement le fer du carreau est resté dans les chairs. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il était mort un 6 avril. Oui, alors oui, parce qu'il y a quand même eu une agonie de 11 jours. Son corps, comme le voulait la tradition, a été fragmenté. Vous savez que les entrailles restent sur place à Chalut. Le corps a été inhumé en l'abbaye de Fontevraud en Anjou. Il y a toujours le gisant. Et on a fait une émission d'ailleurs au pied du gisant. Et puis le cœur, lui, est envoyé à la cathédrale de Rouen dans une boîte de plomb. Richard est mort sans héritier. C'est donc Jean Santerre qui va succéder à son frère. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. En compagnie de Jackie Kennedy.